Et on a abordé ce sujet il y a quelques temps en disant que c'est la chose qui est la plus à craindre chez les gens de la sunna, c'est le riya dans beaucoup d'actes. Et principalement, ça va être dans la da'wah. Aujourd'hui, on constate dans le cercle de la da'wah, et là je parle de ce qui nous concerne le plus francophone, que celle-ci est extrêmement divisée. Extrêmement divisée. Et cela pour maintes raisons. Et l'une des principales, dont on parle là maintenant, al-ikhlas, lillah azza wa jal. Il y a un khalal dans la sincérité chez beaucoup. Pourquoi? Car par leur da'wah, beaucoup ne recherchent pas le visage exclusif d'Allah Azza wa Jal. Et ça, tu le vois à travers leur alliance et leur désaveu. Leur alliance est beaucoup basée sur le copinage, ou sur l'intérêt, ou sur des individus. Ça veut dire qu'ils vont être alliés à des gens parce que ce sont leurs amis. Même s'ils ont des transgressions, comme c'est son ami, il ne va pas parler sur lui, il va le défendre. Hatta bil batil. Ou alors, il a un intérêt avec un tel. Donc, il va s'allier à lui, par intérêt. En étant lié à un tel, il aura des privilèges, ce qu'il s'imagine. Soit il sera mis en avant, il aura plus de suiveurs, ou il pourra avoir des tesquia, ou il pourra avoir de l'argent, différentes choses. Donc, il s'allie à un tel. Même si un tel a des transgressions. Ou alors, pour un individu, pour un cheikh, pour un masjid, ou autre. Tu vas aller voir s'allier à un tel, pourquoi est-ce qu'un tel il aime chier un tel? Donc je vais l'aimer moi aussi. D'accord? Même si c'est un tel, il a des erreurs. Le fait qu'ils disent qu'il aime un tel, on va s'allier. Pourquoi? Quand on a un amour commun pour une chose. Mais cet amour commun qu'on a, même si le chien mérite l'amour, pour de vrai, un chien sunni, eux, c'est pas ce que porte ce chien comme sunna et comme din. Mais c'est l'individu en lui-même. Et on avait déjà dit auparavant, « La yuhabu shakhs li dhatihi, innama yuhabu lillah. » Personne n'est aimé pour lui-même, mais il est aimé pour Allah. Et plus la personne se rapproche de l'attente d'Allah, ça va dire, plus on va l'aimer. « Bida shak wa la raib. » Et les ulama sont les plus proches de cela. Mais, tu vois que cet amour, il a un problème, car si... On viendra voir que ce cheikh a des erreurs ou quoi. Il n'accepterait pas qu'il soit critiqué pour cela. Et il défendrait bil batil, kazalik. Ou kazalik, leur désaveu, rentre à l'inverse qu'on a cité. Pour le copinage également. Il va se désavouer de quelqu'un qui sera pourtant droit, de fait que ce quelqu'un en veut à son ami. Ou alors, leur désaveu est basé sur la jalousie. Qu'un tel a plus de notoriété que lui, un tel a plus de suiveurs que lui, un tel a plus de ilm que lui, a plus de kaboul que lui, donc il n'a pas l'aimé. Même si c'est un salafi qui mérite, quand on dit qu'il mérite, c'est-à-dire Allah lui a donné ça, bifadli. Et l'autre n'aime pas cela. Donc, même si c'est un salafi, comme on dit, il est cherché des poux. Et la moindre erreur qu'il va faire, il va lui tomber dessus. Tu vois, il va lui tomber dessus directement. Pourquoi? Pas pour l'erreur, parce qu'à la base, il ne l'aime pas. Pourquoi est-ce qu'un tel lui fait de l'ombre? D'accord? Ou alors il ne l'aime pas, pourquoi? Parce qu'un tel a des éléments qui permettent de montrer ses erreurs. Donc il le voit comme un obstacle. L'autre, il a des projets, dans son cœur, il a une maladie, et c'est qu'un tel a des arguments contre ces choses-là. Donc il n'y a pas l'aimé pour ça. Au lieu de prendre conseil et de s'améliorer, non. Ce mal sur lequel il est, il va perdurer dessus, et il va craindre ce frère-là, car ce frère, il sait qu'il a la distinction et qu'il a des paroles qui amènent à mettre en garde indirectement contre ce que lui veut faire. D'accord? Il a un projet de dunya et l'autre, il a des paroles qui amènent à ce que ce projet de dunya ne soit pas valable. Donc il se dit, lui, il me fait de l'ombre celui-là. Pourtant, ce qu'il dit, c'est vrai. Donc il ne va pas l'aimer. Ou alors, ils vont se désavouer de quelqu'un parce que ce quelqu'un aura parlé sur un cheikh qu'eux, ils aiment et il aura parlé sur ce cheikh légitimement. Cheikh, un tel a telle erreur. Non, pas sur lui. Pourquoi? C'est cher un tel. D'accord, c'est un être humain, c'est un abd. Il oppose des lois, Et s'il a des erreurs, il faut les démontrer également pour pas que les gens les suivent. Non, pas sur lui. Et là, c'est la guerre. Ça, c'est pour Allah, c'est pas pour Allah, ça. Cool. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبعني سبحان الله وما أنا من المشركين دي تلي مون سنتيي جابيل الله مو سو كي مي سويف جابيل الله سبحان الله et je suis pas du nombre des assassins. Donc ces gens-là, ils ont un problème. Donc à partir de là, tu verras la division. Tout ce qui n'est pas bâti sur l'ikhlas et sur le suivi authentique du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a plus que suivre sa sunna. Quoi qu'il en coûte. Que cela t'amène à parler sur un tel ou à délaisser un tel ou même à faire l'éloge d'un tel ou un tel, c'est ça la sunna. Donc si on ne se base pas là-dessus, ça va amener à quoi? À la division. Et cette division-là, si tu ne la vois pas aujourd'hui, tu la verras demain, Inch'Allah. Aujourd'hui, tout va bien. D'accord? Tout va bien. L'argent est là, le succès il est là, le masjid il est là, les esquiers sont là, tout va bien. Demain, il y a un élément qui vient. D'accord? Il y a la pierre qui tombe dans la mare et ça fait des vagues. Là, ça apparaît. En fait, un tel, ça fait longtemps que tu le cachais, tu savais des choses sur lui. Maintenant, tu peux avec lui, dossier est sorti. Un tel, on connaissait depuis avant, je savais qu'il était comme ça. Pourquoi tu ne parlais pas sur lui avant? Ou alors, pourquoi, au minimum, tu disais le contraire de ce qu'il faisait? Tu aurais pu dire, on s'était sur lui pour la maslaha. C'est possible. Il n'y a pas lieu de parler sur lui, parce qu'aujourd'hui, il y a une maslaha. Mais, carrément, tu disais le contraire de ce qu'il faisait. Un tel, par exemple, tu dis, un tel, tu sais qu'il était attiré par l'argent. Et tu dis, un tel, min azhad al-nas. Je le connais, par le plus gros asset. Kazab. Tu sais que c'est quelqu'un qui est mentionné par l'argent. Au minimum, ne dis rien. Car demain, tu vas dire, un tel, je le connais, il a toujours eu l'argent. Ah, mais hier, tu ne disais pas ça sur lui. Quand vous étiez ensemble, c'était azhad al-nas. Par exemple. D'accord? Ou un tel, tu dis, je le connais, azhad al-nas. Parmi les plus grands véridiques. Après demain, Akbar Kazab. Aïwa. Hier, c'était le plus véridique, aujourd'hui, c'est le plus grand menteur. Il s'est passé quoi entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Tayeb. Foulen, min akhras al-nas, indi. Ah, Foulen, anarifu, fi, nifak. Aïwa. Un tel, avant, parmi les plus sincères des gens. Aujourd'hui, il a décidé de nifak, je sais depuis longtemps. Aïwa. Et avant, tu ne disais pas ça sur lui. Pourquoi? Parce que leur alliance était basée sur un intérêt commun. Et ce n'est pas le wajh d'Allah, Azawajal. Sinon, comme je te dis, au minimum, on ne te dit pas, tu dis tout sur les gens. Il y a une maslaha à regarder. Mais tu ne dis pas le contraire non plus. Si le haq, tu ne peux pas le dire, alors au moins, ne le dément pas et ne dis pas le contraire. Au minimum. D'accord? C'est vrai, demain, tu peux avoir des do'at, ils ont des défauts. Ne le dis pas à tout le monde comme ça directement. Ça va amener une forqa pour de vrai. Fais une maslaha, conseille-le, le frère, le da'i, entre vous. Conseille-le. Ou fais des calames généraux qui amènent à montrer que cette erreur-là n'est pas bonne. Mais dis pas le contraire. Là, tu rentres dans le mensonge. Car demain, s'il faut vraiment parler sur lui, par exemple, il a vraiment dévié un stade où il a des erreurs gravissimes qu'il faut remettre en, qu'il faut dévoiler aux gens, on va dire, mais tu ne seras pas crédible. On va dire, avant, tu faisais tout le contraire. Même avant, si nous, qui avons constaté ce défaut chez un tel, tu nous critiquais pour ça. Tu nous faisais la guerre parce qu'on parlait sur un tel et on parlait sur lui véridique, mais légitimement. Maintenant, tu as pu nous dire, les frères, c'est pas bon de parler, ne parlez pas pour l'instant. Donc, carrément, tu disais, on est des menteurs, on est des fatens, tu nous faisais la guerre, tu mettais en garde contre nous, et maintenant, tu dis comme nous. Il s'est passé quoi entre temps? Donc, tout cela, ça mène à quoi? Al-Furqa. Et ça, ce dont je vous parle, là, c'est un cancer dans la da'wah chez nous aujourd'hui. C'est présent, en masse. Plein, tu les vois aujourd'hui ensemble, et demain, tu vas les voir divisés. Pourquoi? Car la base de leur alliance, elle n'est pas pour Allah sincèrement. Si c'était pour Allah sincèrement, ils défendent la vérité depuis le début. Quitte à perdre leurs suiveurs, quitte à perdre leurs privilèges. D'accord? Si un tel il a raison, tu dis il a raison. Si un tel il a tort, tu dis il a tort. Qui qu'il soit. D'accord? Et après ta cible. Wa hadha min al-jihad. Wa hadha min al-da'wah. Amma al-ma'lamat nifaqiyah ou maslahiyah, islahiyah ou pour la maslaha ou quoi? Hadha ça sayuddi ila al-furqa. On a pris quoi comme hadith il y a pas longtemps? L'as de Aïcha. Men. Hein? Men ardon nas. L'isratillah alayhi. Asratallahu nas alayhi. Asratallahu alayhi wa asratan nas alayhi. Celui qui cherche l'agrément des gens. Quitte à déplaire Allah. D'accord? Ou en déplaisant Allah. Allah fera que ils sont colère contre lui. Que les gens sont colère contre lui. Ça va ensemble. Ben tu vois, chez plein de gens, Hier, c'était le da'i, mashallah. Aujourd'hui, c'est Meftan Kazab et tout. Les gens ont su qui il était, sa réalité. Donc ça, c'est parmi les fruits de que la télékhlas et da'wa. On dit pas dans tout, il n'y a pas d'ikhlas. Mais dans plein de mu'amalat, il n'y en a pas. Ça amène à ce genre de choses, de situation, qui est la division. Maintenant, personne n'est infaillible de l'erreur. Mais l'erreur, il faut la rectifier, la conseiller. Et celui qui a dans son cœur, le jour où on le conseille, il te prend en ennemi directement. Et là, ça commence. Un tel, il a une khata. Il a une erreur, tu le conseilles, il n'accepte pas. Plus fitain, nous a commencé comme ça. Hein. Un cheikh a conseillé un autre pour telle erreur. Il n'a pas accepté. Ça mène à quoi? Le deuxième a fait la guerre à l'autre. D'accord? Il a fait la guerre à l'autre. Et t'en as également dans la da'wah, ils veulent se faire connaître. Donc pour se faire connaître, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Ils veulent... c'est quoi l'expression? Bref. Ils veulent... comme les journalistes ils font là. Comment on appelle ça? J'ai oublié l'expression là. Le fait d'attirer l'attention. Il y a une expression vraiment qui le dit. Oh, j'ai oublié. Donc ils font tout pour se remarquer. Ils disent les choses qu'ils appellent la vérité et ils les disent de façon scandaleuse. Ils disent ouais, moi j'ai le haq parce que c'est pour Allah. Oh, mais dis-le bien. Tu n'es pas obligé d'être vulgaire. Tu n'es pas obligé d'être provocateur. Tu n'es pas obligé d'être insolent, impertinent, ce qui n'a pas lieu d'être. Tu peux le dire bi-hikma. Tu vois? C'est quoi le but de qu'un tel on dise lui, il n'a pas peur de dire la vérité. Ah, il aime la vérité, tu peux le dire. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُلْ لَتِي أَحْسَنِ. Et dire à mes serviteurs qu'ils parlent de la meilleure façon. Tayyib, car le ria, c'est une chose qui est cachée. Et c'est une chose qui est très attirante. Et qu'il est très dur de s'en débarrasser. Car cela mène à quoi? À vouloir faire apparaître ton rang. À vouloir justement, un ria, c'est ce qu'on appelle le leadership. Le vouloir, le fait d'être toi le meneur, le point de référence. Comme je disais tout à l'heure, la personne veut que les gens reviennent à lui principalement. D'accord? Il veut être le da'i. S'il y a un problème, c'est à lui qu'on revient. C'est lui le plus savant, c'est lui la référence. Et quand on va voir ailleurs, il n'aime pas ça. D'accord? Il n'aime pas ça. Et à la base, le nos peut être donné par d'autres personnes. Et des gens ont pu savoir ce que tu n'as pas su. Et des gens peuvent être préférés par d'autres par rapport à toi, ça arrive. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est pas un khalid de l'aqida, c'est pas un khalid de l'menhaj. Un tel préfère un tel à toi. Il a où le problème? Il préfère son uslub. Il préfère sa méthodologie. Il n'a rien contre toi, mais il préfère un tel. Et il va voir un tel pour demander une nasiha. Et un tel, ou ahl lizalika. C'est quelqu'un qui est apte à donner une nasiha et à répondre à des questions. Il a où le problème? Non. Il faut que tu reviennes à lui. Donc comme tu ne reviens pas à lui, ils vont vouloir à celui vers qui les gens reviennent en dehors de lui. D'accord? Ils vont le critiquer. Pourquoi? Il faut revenir à moi. D'accord? C'est quoi le délire? Il faut revenir à toi forcément. Et même, on dit que tu es le plus savant. Tu es plus savant que le frère là-bas. D'accord? Est-ce que ça veut dire que l'autre ne connaît rien du tout? Au point qu'on ne peut pas lui poser une question? On pose une question sur un sujet qu'on sait qu'il maîtrise. Le délire le connaît, il me l'a donné. Le nasiha qu'il l'a fait, il la connaît. Alhamdulillah, c'est le problème. Même chez l'ulama, demain tu vas demander une fatwa. Si tu peux avoir le plus savant, c'est mieux. Mais tu as un autre alim qui est présent. Moi, savant qu'un tel, mais il est apte à répondre également. Demande-lui à lui aussi. On va pas dire non, faut que tu demandes à un tel forcément. Non, pas forcé. Si tu peux le faire, c'est mieux. Mais tu peux pas, tu n'as qu'un tel qui est présent. Demande-lui à lui. Et s'il donne la bonne réponse avec Dalil, ah, ça fait aller régler. Alhamdulillah qu'on a plusieurs savants qui sont présents, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a plusieurs. Un là-bas, un là-bas, un là-bas. Pourquoi? T'imagines un salarié? Ouais, t'as hamel. Tu peux pas tout supporter. Donc ça se partage. D'accord? Ça se partage. Les salafs avaient beaucoup d'entre eux tellement peur de réponse qu'ils l'ont envoyé vers un autre. Il dit, va voir un tel. Moi, je veux pas répondre. L'autre, il a dit, va voir un tel. Et ça revenait au premier. Voilà. Aujourd'hui, viens me voir moi. Demande-moi à moi. S'il y a un problème, revenez à moi. D'accord? Aïchada. Là, maintenant, parfois, si Fialen, tu es la seule personne présente qui est apte à faire cela et les autres sont inaptes, tu peux dire, viens me voir moi. Non, c'est possible qu'on dise cela. Mais dans des situations, tu vois que c'est pas ça. C'est plus du leadership, comme on dit, hubriyasa. Que ce soit toi la référence, toi le point de retour. Et que personne d'autre ne doit faire entrave à cela. Et celui qui ne suit pas, c'est pas un salafi. Ah bon? Et si un tel, il voit que tu n'as pas raison, il a un dalil dans ce qu'il dit. Il voit que tu as eu tort. C'est pas un salafi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un tel? Tu dis, Allah, ma wa kaza. Donc ça amène à quoi? Hizbiya. Et ça amène à la furqa, à la division. Donc si on ajoute parmi les indices qui manquent un manque d'ikhlas chez la personne, chez le da'i particulièrement, ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux. Celui qui se vante du nombre de suiveurs qu'il a, du nombre d'abonnés qu'il a, le nombre de likes qu'il a, le nombre de retweets qu'il a, tout ça. Tu vois, dis-moi, j'ai tant d'abonnés sur mon compte. Dis alors. Tu vois, il se vante. Moi, j'ai tant d'abonnés, c'est-à-dire, tu penses que quoi? Que ça fait que tu as plus de valeur auprès d'Allah Azzawajal. Tes abonnés sont des grands djouhas, ils ne savent pas qui tu es réellement. Tu as des ulamas, ils n'ont pas beaucoup de adbar, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de valeur. Tu as des grands foussacs, hein, ils ont plus de des sportifs, des acteurs, des chanteurs, des politiciens, des plus de suiveurs que toi. Ça veut dire quoi? Ils sont des gens qui ont de la valeur. Après le hadith, qui viendra le prophète, les sama'u ahad, wa ma'ahu arajul rajulan. D'accord? Des prophètes qui viendront au jour de Qiyama n'auront personne avec eux. D'autres qui n'ont qu'un ou deux avec eux. Tu penses que le nombre d'abonnés, ça prouve qui tu es? Là, c'est pas une preuve, ça. Si tu es sur le haq, tant mieux. Ce serait une plus grande cause de guerre pour les gens. Mais si ce n'est pas le cas, ne crois pas que cela est une preuve de quoi que ce soit. Un tel, il a 10 000 abonnés. Un tel, il a 50 000 abonnés. Un tel, il a 100 000 abonnés. Et après, les gens de la bida, ils ont plus d'abonnés que toi. Plus que toi. C'est pas une référence. Ou les gens qui veulent qu'on fasse des partages en grande masse, ou que tu... abonne-toi à ma chaîne, ou abonne-toi à mon compte, ou abonne-toi. Laisse les gens, ils sont libres. S'ils veulent s'abonner, s'abonnent. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Toi, ton âge auprès d'Allah, il ne change rien. Ce que tu as dit, c'est le haq. Que tu es un abonné ou 10 000, tu l'as dit, ton âge auprès d'Allah, il est plus grand. Il est pareil. Maintenant, c'est sûr, si les gens l'écoutent et le propagent, tu prends plus de âge. D'accord? Tu prends plus de âge. Alors, pas comme elle dit Shamokbil, Abaraka minallah. Tu as des gens, ils ont des procédés pour se faire entendre et connaître, hallucinants. Et pourtant, ça va nulle part. T'en as d'autres, ils sont dans un masjid, ils ont un kelem. Regarde ce qu'il disait hier, cher Abdelhamid. On n'est pas de chez Mokbil, il n'y a pas de tasjilat comme un enregistrement MP3, ordinateur et tout, on coupe, on enlève. C'est quelqu'un qui venait avec un dictaphone cassette, ou des fois c'était les gros postes là, avec les deux baffes là. Chez Mokbil, il parle, il met devant lui son bouton rouge, record, et ça part. Et Chiri parle, s'enregistre. S'il se trompe, il n'y a pas, t'enlève. Je ne peux pas couper. C'est là, s'enregistre. Une cassette. Après cette cassette, elle est dupliquée. Et après, elle est propagée dans le monde. Après, c'est venu l'enregistreur à cassette à la tête d'un Walkman un peu là, baladeur, un peu gros. Un DMH, je t'ai dit ça qu'on avait un DMH. Il y avait des MP3, hein, ça existait déjà. Mais le système qu'on a un DMH, c'est ça. Au début, c'était les cassettes. Tu vois. Cassette. Et maintenant, c'est devenu... Allez, t'as les réseaux sociaux, t'as les YouTube, t'as les Facebook, t'as les tout. T'as les vidéos, t'as tout. Tu fais un truc en une seconde, le monde entier le voit. Avant, c'était pas comme ça. Et pourtant, regarde, chez Mokbil, il est arrivé où? Chez Al-Albani, regarde, il est arrivé où? Chez Al-Sami, regarde, il est arrivé où? Ces gens-là. T'en as aujourd'hui, ils ont des chaînes, tout. Wallah, dans 5 ans, 10 ans, t'entends plus parler d'eux. Ou alors, t'entends parler d'eux, à la voix du zam, du blâme. Sinon, la da'wah sera finie. Pourquoi? Car l'ikhlas n'était pas là où il y avait un khalal dans l'ikhlas. Donc ça ne veut rien dire tout ça. Maintenant, ce sont des moyens mis à la disposition. Si tu te sens dans le khayr, fais-le. Si tu en as besoin, fais-le. Mais ne crois pas que c'est cette chose-là qui va t'amener à quelque chose. Si demain tu as un haq et Allah met une baraka dans ton kalam, même sans ça, ça va se propager et ça va influer sur les gens pour le bien. Et si jamais ce n'est pas le cas, et bien cela se retournera contre toi, yawm al-qiyam. Car tous les gens diront: ce bandit, je suis comment? Par un tel. J'étais abonné à son compte et je l'ai écouté. Donc j'ai fait comme ça alors qu'il avait tort. D'accord? Ou alors, tu auras dit l'info, on dira: qui a dit cela? Un tel. Comment tu le sais? J'étais abonné, je l'ai vu. Oh, quand même. Donc ça, ce sont des asbeb, fakat. Il n'y a pas. Et ce ne sont pas des adillah. Ça ne prouve rien. Ton compte, ton nombre d'abonnés ne prouve rien du tout. Mais on saute aux gens du bien, qu'ils aient le plus de suivants possible pour que ce bien se propage. Non. Mais se vanter, ça sert à rien. Demain, tu peux en avoir 10, demain, il y a une fitna ou quoi, et tous se délaissent. Et tous se critiquent. Tous contre toi. Voilà le moustache.